célébrons Emmanuel. Je te célèbre, roi de roi. Merci. Jésus, merci. Merci. Merci, Jésus. Prends le contrôle de tout, Seigneur. Et que par ton esprit, tu parles à notre cœur. Un massage qui nous soutient, Seigneur. Un message qui nous transporte dans ta présence. Un message qui nous donne de l'espérance encore ce matin. Nous avons besoin de ta parole, parce que ta parole est vie. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Veuillez vous asseoir. Alors ce matin, j'ai le privilège d'inviter et d'accueillir le pasteur Christophe pour la parole. Est-ce qu'on peut l'accueillir? Très bien. Merci pasteur Christophe pour nous communiquer la parole. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis dans la joie de vous revoir. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie ce matin? J'ai bien adoré le Seigneur. Que Dieu bénisse la chorale. Ça m'a beaucoup manqué, cette adoration. J'avais besoin que vous puissiez reprendre ce cantique-là, mais bon. Alléluia. Ah, papa, yoko kisaka, yoso, mokano na yo, eko kisama. Abba, Abba, yoko kisaka nyoso, mokano na yo, eko kisama bonanga. Tala bako sekanga, malobi oti kinga. Motema ebateli kimia, nani ayebi yangai na yo. Natali pembeni nanga, bato mabe bako fuluka. Ngai nazali yo, langai golu na yo. Longola soni nanga, pangusa pizoli nanga, pongola likambo nanga ye, salela ngai kolu. Oh, what can I take? Oh. acclamer celui qui s'appelle le bon berger, celui qui s'appelle le rocher des âges, celui qui s'appelle Emmanuel, dit avec nous, il est avec toi. Quand tu traverses la vallée de l'ombre et de la mort, il est avec toi, tu peux l'acclamer. Il est celui qui maîtrise, il est celui qui contrôle ta vie. Rien n'échappe à son contrôle dans ta vie, tu peux l'acclamer encore. Tu peux pousser un cri de joie à celui qui est assis sur le trône, à celui qui règne à jamais. Son nom est fidèle. Il dit même si ça tarde, attends, il accomplira ce qu'il a dit. Il le fera, il est digne. David disait, sa houlette et son bâton me rassurent. Il est digne d'être élevé, le roi de gloire. Reçois la gloire, Seigneur. C'est à toi ces acclamations. Des cris de joie, tu es digne d'être élevé. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Apocalypse chapitre 5, premier verset jusqu'au 13e verset. Apocalypse 5, 1 à 13. Alors je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à dedans et à dehors. Je vis aussi un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau ?» Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre et ne le regarder. Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Mais l'un des anciens me dit, « Ne pleure pas. Les lions de la tribu de Juda, le rejeton de David, a été vainqueur. Il peut ouvrir le livre et ses sept sceaux. » Alors je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, au milieu des anciens, un agneau debout qui semblait immolé. Il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits envoyés par toute la terre. Il vint recevoir les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Car il eut reçu les livres, les quatre êtres vivants et les 24 anciens tombèrent devant l'agneau, tenant chacun une lyre et des coupes d'or remplies d'encens, qui sont les prières de saints. Ils chantaient un chant nouveau à 10 ans. Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les gens de toute tribu, de toute langue, de toute peuple et de toute nation. Le nom de la ville de mon Dieu, tu as fait d'eux pour notre Dieu et royaume de prêtres, et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'attendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, avec celle des êtres vivants et des anciens. Leur nombre était des dizaines, des milliers, de 10 000, des milliers, des milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et bénédiction. Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la mer, tous ceux qui s'y trouvent, je les attendis, dit à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la bénédiction, l'honneur, la gloire et le pouvoir à tout jamais. Et le quatre êtres vivants disaient Amen. Et les anciens tombèrent pour se prosterner. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous voulons parler ce matin de sujet que j'ai intitulé dans un premier culte, je parlais de lorsque l'agneau se présente au rendez-vous du lion. Lorsque l'agneau se présente au rendez-vous du lion. Mais dans ces cultes, je voulais plutôt dire la même chose autrement. Je voulais juste aller droit au but et dire, accepte que l'agneau ouvre les livres de ta destinée. Accepte que l'agneau ouvre les livres de ta destinée. C'est une invitation que Dieu fait à quelqu'un. C'est une invitation que Dieu adresse à quelqu'un pour la nouvelle phase de sa vie. Je suis venu rencontrer une seule personne dans cette salle. Cette personne attend quelque chose de Dieu. Cette personne, il a des promesses de la part du Seigneur. Cette personne, il a un rêve avec Dieu. Cette personne s'attend à Dieu. Cette personne est dans un rond-point, dans un parking, dans un arrêt, en train de dire, j'attends ici Dieu. C'est comme Habakkuk qui est en train de dire, je ne vais pas abandonner mon poste. Je reste à mon poste et je vais attendre ce que le Seigneur va faire. C'est cette personne-là qui est concernée ce matin. Et si tu es cette personne-là, alors écoute ce que le Seigneur te dit. Il y a des gens qui ont des promesses de la part du Seigneur et ils attendent. Il y a des gens qui ont des prières et des visions, des rêves qu'ils ont soumis à Dieu et ils attendent. Il y a des gens qui sont dans des moments de prière, qui ont pleuré et à un moment donné, ils ont reçu une promesse qui les rassure et ils attendent. Et il y a toute l'église qui attend ou qui est en train de vouloir vivre les avancées irrésistibles. Et ils attendent. Et la question, elle est simple. Et si ce que vous attendez s'appelle lion, et malheureusement, ce lion vient comme un agneau. Serez-vous prêt à accepter que cet agneau-là ouvre les livres qui contiennent tout ce que vous attendez? Alléluia. Je serai en train de parler comme pour dire, est-ce que Dieu n'est pas dans ton parage, mais tu ne sais pas le voir parce qu'il n'est pas en habit de moine? Je serai en train de dire à quelqu'un, peut-être que ce que tu cherches est déjà là. Sauf que ça porte un habit que tu n'as pas prévu dans ton programme. Alléluia. Vous savez ici, le texte que nous venons de lire, il y a l'apôtre Jean, celui qui était l'intime de Dieu, qui pouvait dormir sur la poitrine de Jésus. Et il pouvait accéder au battement du cœur de Jésus. Et là, il entre dans un scénario très dangereux. C'est qu'à un moment donné, Dieu lui a parlé du chapitre premier. Dans le chapitre premier de l'Apocalypse, Dieu ou Jésus se présente et il est en train de dire à un langage clair, il dit la révélation de Jésus à son serviteur Jean. C'est sa révélation. Dieu se révèle à cet homme. Et il lui dit, voilà celui qui marche au milieu de sept chandeliers. Voilà celui qui dit les choses s'accomplissent. Voilà celui qui est l'agneau de Dieu, l'étoile du matin. À chaque moment, il est en train de se présenter à Jean. Le premier chapitre, le deuxième et le troisième chapitre, il va écrire les lettres par rapport aux églises. Et c'était comme pour donner la vie ou alors la santé spirituelle de l'Église jusque maintenant. Quand vous lisez les sept lettres aux sept églises d'Asie, c'est l'état spirituel de l'Église jusque maintenant. Depuis que Jésus est parti, nous sommes dans la température, nous avons la santé de l'Église de Sardes, de l'Église de Laodicée, de toutes ces églises, Philadelphie. Et quand vous voyez les critères qu'on donne à ces églises, c'est ce qui se passe dans les églises. Il dit, ne sois ni chaud ni froid. Il dit, tu crois tu es vêtu, mais tu es pauvre. Il dit des choses. C'est ce que nous sommes en train de vivre dans l'église. Et au chapitre 4, Jean est en train de dire, l'Esprit de Dieu m'a saisi. Je vis une porte ouverte dans les ciels et j'ai été transporté vers le ciel. Ça, c'était pour marquer prophétiquement par là la fin du temps de l'église. pour entrer dans un nouveau temps. Et là, il va décrire le trône. J'ai vu le trône entouré de quatre êtres vivants. Les quatre êtres vivants, ils donnent les caractéristiques. Le premier être vivant est semblable au lion. Le deuxième est semblable à l'aigle. L'autre est semblable à une vache. L'autre est semblable à un homme. Et j'ai vu la louange qui est dans le ciel. C'était éblouissant. C'est comme si cet homme est en train de montrer la dimension de l'adoration. Quand l'homme, quand l'église, quand le croyant essaie de voir Dieu dans sa grandeur, en dehors de tout ce qu'il est, en dehors de tout ce qu'il a, en dehors de tout ce qu'il traverse. Parce qu'il y a des moments où il faut voir Dieu en dehors de notre vie. Dieu ne ressemble pas aux circonstances que nous traversons. Cet homme est en train de voir Dieu en état sur l'île de Patmos. Quand je lis les livres d'Ésaïe, la Bible dit « Celui qui a faim rêve qu'il est en train de manger ». Ça c'est logique, c'est normal. Combien, si je cherche même dans cette assemblée, un jeune frère qui a rêvé en train de faire le mariage, je vous assure, avec 99%, je vais le trouver. Quelqu'un qui rêvait en train de se marier parce que c'est ça le besoin. Qui n'a jamais fait ces cauchemars où tu as rêvé en train d'être élevé, d'être béni et tu te racontes que c'est tes rêves finalement. Donc, on rêve ce qu'on attend, on rêve selon les circonstances dans lesquelles on est. Et il y a des gens qui pensent qu'ils ont eu des visions alors que ce sont des visions inspirées par l'environnement. Par les circonstances, quand vous prenez le colcas à 22h avec les haricots, il y a une bataille dans votre estomac. Et quand il y a la bataille de l'estomac qui voulait se reposer, vous lui avez donné du travail, c'est comme ça que vous rêvez qu'on est en train de vous poursuivre. En réalité, c'est votre estomac qui se bat avec le colcas. Ça n'a rien à voir avec ni les démons ni Dieu. C'est un problème de la nature. Si vous avez mal dormi, vous avez utilisé un grand oreiller, vous risquez de voir qu'on est en train de vous étrangler. C'est juste que votre cou est dans une mauvaise position et vous êtes inconscient. Le cou envoie un signal à votre cerveau. Le cerveau étant dans le sommeil ne sait pas interpréter ça. Et il attend des coups de balle. Il y a des coups de balle. Que vous commencez à rêver, ce sont des douleurs au niveau de votre cou. Il n'y a pas de révélation. Alléluia. Alors dans cette réalité naturelle, physiologique, qui n'a rien à voir avec tout ce qui se passe, Jean étant dans l'île de Patmos, dans une prison, il ne devait rêver qu'en train de sortir de la prison, en train de retrouver l'église. Mais Jean n'est pas là. Il sort de la nature, il sort des réalités de ce contexte, il rentre dans l'esprit et il voit la vie de l'église. Il voit le schéma, le calendrier prophétique de Dieu, comment l'église va marcher et après l'église, comment ça va se passer. Et il dit, il y a une porte qui s'est ouverte, je suis monté et j'ai vu la gloire du ciel. Et après avoir vu la gloire du ciel, il voit maintenant la suite des temps. Il dit, j'ai vu qu'il y avait un livre. Les livres qui étaient scellés. Et les livres étaient écrits à dedans et à dehors. C'était un livre qui était là devant Dieu. Et Dieu était en train de dire, qui va prendre les livres? Et il y a un ange qui est en train de dire, qui est digne d'ouvrir le livre? Une invitation solennelle dans les ciels. C'est comme un test, c'est comme une grande responsabilité, c'est comme quelque chose de fort qui doit se passer. Et Dieu attend que quelqu'un fasse quelque chose. Et il n'y a personne. Ce que j'aime dans ça, c'est que Jean comprend qu'il y a un danger. Jean comprend que quelque chose devait se faire. Dans ces livres, il y a le programme de Dieu. C'est comme les dernières fois où on parlait de la Banque mondiale qui a bloqué tout le financement de projets pour que jusqu'à ce que le gouvernement soit établi. Et on pouvait parler avec les humanitaires à gauche et à droite. Tout le monde disait, on attend. Quand le gouvernement sera là, c'est alors qu'on peut attendre un financement. Parce que tout attend le gouvernement. C'était dans ce contexte que se trouve Jean. On attend que quelqu'un lise le livre afin que le projet démarre, afin que ceci démarre, afin que le programme de Dieu puisse commencer. Et quand Jean est en train d'attendre, il voit, il est déçu. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, je parle à quelqu'un ce matin qui attend quelque chose et qui sent que son cœur est en train de périr, son cœur est en train d'entrer dans la phase de la déception, du découragement. Ça arrive, il est arrivé à Élie qu'il a même demandé la mort malgré l'onction qui était avec lui. Mais vous savez, il demandait la mort alors que Dieu lui avait promis de ne pas voir la mort. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que tu es en train de demander juste le contraire de ce que Dieu t'a promis. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu es en train de craindre juste le contraire de ce qui n'arrivera jamais. Tu es en train d'avoir peur de choses que tu ne verras même pas dans la vie. La Bible dit, pour ceux qui craignent le Seigneur, ce que tu veux, ce que tu attends, c'est ce qui arrivera. Pour le méchant, ce qu'il craint, c'est ce qui va lui arriver. Si tu ne crains pas Dieu, ce que tu es en train de craindre, c'est ce qui va arriver. Si tu as peur du cancer, c'est ce qui va t'arriver. Mais les élus du Seigneur, leurs désirs, ce sont des prières que Dieu exauce. Alléluia. Jean était abattu, Jean était déçu. Il dit, mais c'est là que nous attendons notre délivrance. C'est là que nous attendons le salut de l'humanité. Pourquoi il n'y a personne qui puisse prendre les livres? Je m'imagine qu'il a besoin lui-même de prendre les livres, mais il n'a pas le pouvoir ni la capacité. Vous savez, ce qui est très étonnant et ce qui est très difficile, c'est qu'au-delà de ça, il n'y a même personne qui regarde. Il n'y a que Jacques qui regarde les gens qui sont autour du livre et personne ne fait attention au livre. Tout le monde tremble. Il dit, personne ne fit trouver digne d'ouvrir les livres ni de le regarder. Très grave. Au moins qu'il y ait des gens qui font quand même attention au livre. Mais non, c'est difficile même de regarder. Qu'est-ce qui se passe? Et Jean commence à pleurer. Le prophète commence à pleurer. L'homme de Dieu commence à pleurer. C'était lui le premier pasteur de l'église de Jérusalem. Le pilier, la colonne. Il est en train de pleurer. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il était à charge même de cette église. On dit que c'était lui qui surveillait les églises d'Asie comme ovacia, comme bishop. Et il n'y a pas moyen. Il pleure. Et quand il est en train de pleurer, il y a un message de réconfort. L'ange vient lui toucher l'épaule. Il dit, Jean, pourquoi tu es déçu? Je suis déçu parce que personne ne veut ouvrir les livres qui doivent déclencher le financement de notre projet. Il n'y a personne qui va ouvrir les livres qui contient les décrets pour notre nomination. Il n'y a personne qui ouvre les livres qui contient le salut de l'humanité, tout ce que l'humanité attend. Il n'y a personne. Et donc, que devient la famille? Que devient l'humanité? Que devient l'église? C'est pourquoi je pleure. Il dit, ne pleure pas. Les lions de la tribu de Juda a été trouvé digne de regarder les livres, d'approcher les livres, de prendre les livres, d'en rompre le sceau. Alléluia. Même si tu n'as pas encore l'onction, tu peux quand même acclamer l'agneau de Dieu. Alléluia. Il y a celui qui a été jugé digne d'ouvrir le livre qui contient le programme de ta vie. Et quand il prend le livre entre ses mains, la sorcellerie ne peut rien. La Bible dit, la sorcellerie ne peut rien contre Israël. La magie ne peut rien contre Jacob. Je suis venu proclamer dans la vie de quelqu'un que le Seigneur va prendre les livres de ta vie. Le Seigneur va ouvrir le livre qui contient ta promesse. Et la sorcellerie, la magie, les mauvaises voix, les mauvais regards ne pourront plus rien contre toi. Je dis que les sorciers ne pourront rien contre toi. Ce que Dieu a dit, quand les livres entrent les mains de l'agneau, qui peut arrêter? Mais vous savez, là où il y a toute la problématique, c'est que ses paroles consolent les gens. Là où il était en train de pleurer, on lui dit non, il y a un lion. Il y a un lion. Zalakimia. Ne pleure pas. Il y a un lion, regarde. Et quand l'homme de Dieu, il essuie ses larmes parce qu'il pleurait vraiment. Et quand il cherche le lion là, où est le lion? Il dit, oh, non. Le lion est où? Du nom, c'est ça le lion. C'est là que nous avons le problème. Quand nous attendons le lion, qui va ouvrir les livres avec ses biceps? Prends les livres, non? C'est un agneau comme immolé là. Bon, Jean n'a plus parlé. Je ne sais pas si Jean a aussi acclamé l'agneau. Je ne sais pas si Jean a été abasourdi et resté dans la confusion. Je ne sais pas si Jean a eu quelle attitude, mais j'aimerais que ce matin, tu puisses porter le nom de Jean pendant 30 minutes. Pendant que je prêche, tu t'appelles Jean. Salut Jean qui est à côté de toi. Tu dis « Bonjour Jean ». Et Jean que tu es, que je suis, Dieu m'a dit qu'il y a un lion de la tribu de Juda qui va ouvrir les livres de ma destinée. Et quand je me tourne pour recevoir les lions, c'est l'agneau. Ah. Jean, comment tu te comportes? Bon, tu n'as plus parlé depuis ce temps-là. Ce sont les anges qui ont récupéré la chose. Les anges ont dit, si on parle encore déjà, il va dire des choses. Les anges ont commencé à acclamer seulement. Agneau, tu as été digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux parce que tu as versé ton sang. Tu as sauvé les hommes de toute langue, de toute tribu, de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu le Père. Et les 24 vieillards prennent les relèves. Et les anges, le ciel est bougé. Jean est en train de s'étonner. Et moi et toi, nous ne savons pas quelle a été l'attitude des gens. On a vu l'attitude des anges. Les anges reconnaissent que c'est seulement l'agneau qui a vaincu. Mais est-ce que Jean sait ça? Parce que quand Dieu vient, ces gens, il lui présente l'agneau. J'aimerais dire à quelqu'un avec tout mon cœur que les avancées irrésistibles sont évidentes. Mais ces avancées irrésistibles ont été annoncées à Lyon. Malheureusement, ils s'accomplissent en agneau. C'est ce qui nous complique. Tu attends un visa des États-Unis et au Temit à Calais. Les chemins des États-Unis peuvent être à Haïti. La maternité des rois peuvent être dans les tables. L'école de Dieu peut ne pas être dans une université, mais se retrouver dans le ventre d'une baleine comme dans le cas de Jonas. La royauté d'un homme peut ne pas être à l'IDPS ni à FCC, mais être dans la prison, c'est de ça que je parle. Quand on attend le lion, voici c'est l'agneau qui se présente. Je suis de ceux-là qui aime la prophétie et la prière. Et malheureusement, Dieu n'a jamais parlé à faible. Dieu parle à géant. Il parle par des voix de tonnerre. Quand vous priez, Seigneur, 21 jours, alléluia, et vous réveillez en train de marcher dans la Maison Blanche avec des gardes-corps. Et vous savez, quand vous rêvez comme ça, même quand vous dormez, vous êtes en train de sourire. Mais si quelqu'un vous regarde à plein sommeil, il sait que vous êtes content. Oh, mais qu'est-ce que tu as... Oh, on a katama, oh non. J'étais en train d'entrer dans la Maison Blanche. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu parle, le Dieu à qui nous croyons, quand il parle... Il parle de vert pâturage. Il parle du trône. Il ne parle jamais de la vallée de l'ombre et de la mort. Dieu parle des montagnes. Il ne parle jamais des vallées. Parce que les vallées, ce sont les contours. Mais la finalité, c'est le sommet. Et je suis en train de dire à quelqu'un, même si tu es dans la vallée, ça ne change pas le message. Ça ne change pas la promesse. Même quand tu disparais, ça ne change pas la promesse. L'homme de Dieu pouvait dire, même quand mes os seraient en train de mourir, même quand mon os serait en train d'être effacé, mon rédempteur se levera le dernier. Ce n'est pas moi le problème. Le problème, c'est le rédempteur. Quand il se levera, ce qu'il a dit s'accomplira. Je suis en train de dire à quelqu'un, attends. Dit Alala, calme. Les méthodes de Dieu sont différentes. Et j'aimerais que vous puissiez lire cette parole au plan doctrinal. Parce que l'Église est assise sur la doctrine, les fondements. Ce texte, c'est un texte fondamental. C'est un texte que l'Église doit exploiter. Et c'est un texte que nous devons prêcher dans ces temps. Les anges ont poussé un cri. Et les anges, ce sont des messagers de Dieu. J'aimerais parler à un prédicateur. J'aimerais parler à un pasteur. J'aimerais parler à un évangéliste. À un homme qui parle de la part de Dieu. J'aimerais parler à un enfant de Dieu ce matin. Notre message est là. Il y a plusieurs messages aujourd'hui. La Bible dit, à ce temps-là, au temps de la fin, il y aura plusieurs prophètes, il y aura plusieurs docteurs, il y aura des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux docteurs. Nous sommes dans la saison des faux. Et ça va aller de pire à mal. Tous les Samsung ne viennent pas des origines. Combien de noms qu'il y a nous avons aujourd'hui et ça nous a déçus. Vous avez un téléphone, vous l'avez acheté cher, mais c'est un fake. La piraterie, loin d'être chinoise, elle est aussi spirituelle. Il y a une Chinoise qui a eu une grossesse d'un Chinois. Et à la fin, quand elle était en train d'accoucher, la femme est morte. Et l'oncle est passé là, il dit, « Biloka ba chinois, où me la gâte ?» mais bon, c'est ça, c'était lui. Mais je suis en train de vous dire simplement que nous sommes dans un monde de piratage. Alléluia. Alléluia. Il y a du faux. Faux évangile, fausses églises, faux serviteurs. L'apôtre Paul dit, quand vous allez tout faire, décorez vos églises comme vous voulez. Construisez comme vous voulez. Ayez des plans comme vous voulez. Mettez les cultes comme vous voulez. Dieu n'a jamais donné un programme de culte. On peut commencer par les prédications, finir par l'adoration. On peut commencer par les offrandes, finir par ce qu'on veut. Et Dieu, il est Dieu. Il n'a pas de problème avec tout ça. L'apôtre Paul dit, faites comme vous voulez. Que chacun construise sur le fondement. Mais faites attention. Vérifiez si le fondement n'a pas été renversé. Faites attention, prenez garde de la manière dont vous êtes en train de traiter le fondement. Bien-aimé, on peut dire de la parole de Dieu tout ce qu'on veut, mais il y a des bornes qu'on ne déplace pas. La première borne qu'on ne déplace pas, c'est ça, les champs. Ils ont dit, tu es digne d'ouvrir les livres et de rompre le sceau parce que tu as versé ton sang. Et c'est par cette œuvre-là que l'humanité est sauvée. Que les hommes de toute tribu, de toute langue, de toute nation peuvent finalement être appelés serviteurs, rois, princes dans ton royaume. Et ce message est menacé aujourd'hui. C'est un fondement, c'est une doctrine. Bien-aimé, le salut ne vient pas par autre chose. Il y a un seul chemin pour le salut. Le chemin s'appelle Jésus. Ce n'est pas Mohamed. Ce n'est pas le pape. Ce n'est pas qui que ce soit. C'est l'homme de Galilée. L'homme de 33 ans. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Yahweh. Son nom c'est El Jibo. Son nom c'est El Sabaoth. Son nom c'est l'homme qui vit à jamais, Emmanuel. Il est présent à tout temps. Les témoignages vont fleurir. Vous savez, il faut faire attention avec le ministère. Parce que beaucoup de ministères naissent et reposent sur des expériences. Mais l'Église repose sur la parole. Je peux commencer un ministère et je le commence par rapport à mon expérience. Si j'ai prié 21 jours, dormant sur le ventre, je peux dire 21 principes pour voir le ciel ouvert. Je vous dis, si vous dormez 21 jours sur votre ventre, vous obtenez la grâce de Dieu. C'est mon expérience, c'est vrai, mais ce n'est pas la parole de Dieu. Dieu, il a ses voix. Quand il s'est révélé à Moïse, il dit, « Moïse, tu vas faire passer le peuple. » Moïse avait un bâton, il dit, « Frappe les eaux. » Et Moïse a frappé, ils sont passés. Quand ils sont arrivés au Jourdain, Josué avait aussi les bâtons parce que chaque leader avait un bâton. Dieu ne lui a pas dit, « Frappe les eaux. » Il a dit, « Les sacrificateurs placeront les eaux, leurs pieds dans les eaux et il y aura passage. » Tu n'es pas obligé de marcher dans le principe de quelqu'un. Tu peux avoir une révélation que ton père n'a jamais eue. Sois seulement connecté à Dieu. Aujourd'hui, il y a un problème de danger. C'est pourquoi il y a même des déceptions et des frustrations dans l'Église. 21 principes pour renverser les diables. J'ai eu un gros livre comme ça, je l'ai lu et relu deux fois et je l'ai jeté. On dit les rêves et son interprétation. Et c'est lui qui a écrit ça, il dit, voilà, si vous rêvez que votre toiture est en train de monter, ça veut dire que c'est la pauvreté qui est en train d'arriver. Et pour renverser cet esprit, vous devez prendre 3 jours, vous mangez jusqu'à 18 heures. Il met des formules, j'ai dit ça n'a jamais été divin. Vous pensez que si cet homme-là, on lui dit, voilà, il y a 7 vaches maigres qui ont mangé les 7 vaches grosses. Qui connaît qu'une vache, c'est une année? Il n'y a que Joseph. Donc chacun a son interprétation. Il ne faut pas coller au... Qu'est-ce qui se passe? Vous ne pouvez pas écrire un livre où quand vous rêvez comme ça, c'est comme ça. Qui vous a dit ça? Une vache peut devenir un roi et un agneau peut devenir un roi. Ce n'est pas ça, ne se ressemble pas, mais c'est ce que Dieu fait. Alléluia. Alléluia. Il dit l'agneau a été jugé digne d'ouvrir le livre et de rompre le sceau. Il y a des témoignages qui circulent, j'ai vu. Même on se promène avec une mouchoir, le pasteur a béni le mouchoir, et quand il y a des gars, oh non, le Dieu de Christophe, c'est ça des hérésies et c'est le chemin de la mort. Minazali wa pa mataba pa kukoba chawi. Jinangu ta kuponye. Depuis quand? Depuis quand mon nom va te sauver d'un accident? C'est vrai, tu peux dire le Dieu de Christophe. Mais s'il est encore mon Dieu, s'il n'a pas encore été ton Dieu, c'est dangereux. La preuve, ce n'est pas moi qui évente. La preuve est déjà au matin de l'église. Dans l'église primitive, Bandeko Balobakini, Bandeko Ana, 7 fils. Ils ont dit quoi? Les dieux que l'apôtre Paul prêche. Qu'est-ce qui leur est arrivé? C'est parce que nous sommes en train de suivre sur des télés. On a oublié le nom de Jésus et on commence à citer le nom du bishop. Ça, c'est anti-biblique, c'est païen, c'est satanique, c'est démoniaque, c'est diabolique, c'est une hérésie. Vous savez, si un serviteur de Dieu n'arrive pas à vous approprier Dieu, c'est qu'il a échoué la mission. J'aime quand les enfants de Samarie prennent Jésus. La femme samaritaine, à Kotina, Nambokawana, il y a Samarie. Elle dit, venez voir celui qui m'a tout dit. Toi, on te connaît, Pete, tout ça. Toi, tu parles de quelqu'un. Non, on va voir cette personne. On a écouté Jésus pas des jours. Non, le premier jour, ils ont écouté, non. C'est sérieux. Tu peux rester avec nous encore des jours. Jésus dit, il n'y a pas de problème, moi je prêche. On lui a donné tout ce qu'il faut et il est resté. Pam, pam, pam, pam, pam. Au troisième jour, j'aime ces gens-là. Papa Richard, ils ont eu l'audace, ils disent, on ne peut pas rater cette opportunité. Il faut qu'on parle à la femme samaritaine. Ils sont venus. Mère spirituelle, nous venons t'informer. Merci d'avoir ramené Jésus. Mais nous voulons te donner une information importante. Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Oh non, tu as bien prêché, merci. Mais nous croyons parce que nous-mêmes, c'est là la maturité de l'Église. Quand l'Église rejette son pasteur, rejette ses serviteurs et fait face à Dieu. Je sais que ce message est difficile à comprendre, mais c'est ça mon ministère. Parce qu'il y a deux phases. Il y a deux phases. La première phase, c'est la phase de gloire. Quand on dit l'homme de Dieu, j'ai mis la photo sur la poitrine et la tension s'est calmée. Dans cette phase, c'est beau. C'est bien. Quand on témoigne ça, tout le monde dit qui, c'est beau. Et l'homme de Dieu, il est beau. Mais nous sommes tous témoins. Je garde encore dans ma garde-robe une robe de mariage qui vient de faire 8 ans dedans. D'une sœur qui a cru qu'on dit Dieu, il agit et il faut faire un acte de foi. Il dit vraiment, si qu'il y a un mariage, il y a un jour d'avalak, mutumishi chunga, ni qu'on a 8 ans. Saoul et Dada Naon, hein? Ce n'est pas la même chose que celui qui a vu ma photo et qui a eu le mariage. Ce sont deux personnes dans la même église. Mon anifat. Ça va. Dieu dit ceci. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Suivez les télévisions, suivez les radios, suivez le témoignage. On est en train plus de présenter les hommes, les communautés. Je suis désolé de vous dire ça. Le salut n'est ni dans une institution. Vous savez que Dieu ne connaît pas qu'il existe une église qui s'appelle Arche. Est-ce que vous savez ça? Demande celui qui est à côté de toi. Dieu ne connaît pas le nom Arche de l'Alliance. Il connaît ce qu'on appelle l'église universelle. Quand nous adorons, il y a des gens de toutes langues qui se réunissent dans l'esprit et qui vont vers Dieu et qui rencontrent Dieu. C'est ça l'église qui adore le Seigneur. Ce n'est pas les dénominations. Dans les dénominations, il y a un principe. Laisser le blé et livrer, croître ensemble. C'est pourquoi nous pouvons même excommunier quelqu'un. Et nous restons, il est là excommunié. Il ne faut pas juger quelqu'un. Il ne faut pas. Parce que quand il répare avec Dieu, tu ne sais pas. Quand Dieu agrée son culte, tu ne sais pas. Qui es-tu pour juger quelqu'un? L'église de Jésus, c'est une église mystique, invisible, spirituelle. Et cessez d'avoir la joie d'appartenir à, ou d'avoir une carte de membre. On dit qu'on a carte de membre. Mina voyage à Canaille. Ça ne suffit pas. C'est ta relation avec l'agneau. As-tu une relation avec l'agneau de Dieu? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je ne viendrai pas devant Dieu parce que moi, j'ai été dans les assemblées de Dieu. Moi, j'ai été catholique. Oh non, c'est nous l'Église est universelle. Vous êtes universelle par rapport à quoi? Oh non, c'est nous la première Église. Qui vous dit que vous êtes la première Église? Qui peut me dire le nom du premier croyant? Mukristu wa kwanza mwenye aliokoka akatakasika na damu ya Yesu wa kwanza. Jina yake nani? Si mwizi ule wa kwanza. Mbele ya Petro anaingia. Celui qui a savouré le pardon de Dieu, c'est le voleur. Et l'évangélisation ne l'a jamais enregistré. Jamais. Évangéliste, j'y reste, il ne lui a jamais donné des affermissements à de Solinae. Pas. Et si vous ne vous préparez pas à cela, je vous dis que vous pouvez avoir des crises au ciel. Parce que celui que vous avez appelé voleur toute votre vie, vous le voyez que c'est lui qui a inauguré le ciel. Il est en train de vous recevoir. Wewe unatupokea, anasema mwingie, karibu. Acclame le Dieu qui a versé le sang. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il s'appelle Jésus. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Papa Richard, prêchons Jésus. Si je me présente, je vais échouer. Je suis en train de parler comme un blessé de guerre. Je connais ces choses. Il y a des moments où nous avons, vous savez, il y a des moments où on a utilisé toutes les formules. On a l'impression de fuir même devant Eka jusqu'à ce que Dieu nous enseigne que non, ce n'est pas vous qui agissez, c'est moi. S'il y a une honte, c'est moi. S'il y a une gloire, c'est moi. Mais quand il y a la gloire, vous prenez ça. C'est pourquoi tu fuis maintenant. Je vous dis, ne le dites pas à ceux qui ne sont pas dans ces cultes. Moi, j'ai déjà fui des gens. Parce que quelqu'un est venu, tu as donné le message, pas prophétie. Il vient, allez, tu t'as ingia maombi, papa, allez, tu t'as fanya veiller, papa, wabatuiko, allez, jenga mazabau, ana jenga. Tena nakuya, habia kamata, ah, leta mafuta, tunaomba, pakala. Biote, ma formule zote zinaiche, na ya ma mitume, allez, tu t'as kusukula migul. Musukul. Musukule. Muna sukula muna sema kwa lugha. Kail viemena. Ka toutes ces formules sont épuisées. Pasteur, je vais vous voir. Bon non, je suis occupé. On a ta kimbi. L'agneau. Exposons les gens à l'agneau. Yeah. Si je vous dis, allez, bâtissez les hôtels. Moi, je suis un hôtel de Dieu. Allez, venez mettre vos offrandes à moi. Ça, vous avez bien. Non, pasteur, depuis Nidi Tumika, c'était contrat de 3 mois. Je n'ai jamais manqué d'amener ma dîme. Et on est en train de résilier mon contrat. Comme je pensais que c'est moi qui donne le travail, je vais chercher à vous défendre. C'est pourquoi il faut exposer les gens à Jésus. La fois passée, j'ai vu quelqu'un qui est venu et dit, je vais offrir une parcelle à l'église. Quand j'achappe à Injili, elle a été bénie. Elle dit, non, non, j'ai une parcelle, je donne ça pour que Dieu ouvre un de toi. Le Saint-Esprit me dit, ne prends pas cette parcelle. J'ai dit, si Dieu veut te bénir, il n'a pas besoin de ta parcelle. Et si tu veux offrir ta parcelle, tu n'as pas besoin de me l'annoncer. Ujisha kule na utie tu musadaka kule. Parce que ukaitia utakuwa na nilipisha ayo. Lakini ukaipatia Mungu, mtapigana naye. Oh! Ça c'est Dieu! Et si tu n'as pas la sagesse, utalipa kama parcelle ya batu. Utalipa. Ça, c'est la dimension évangélique, disons, doctrinale, où on doit revenir au fondement. Et l'apôtre Paul dit, lorsque je suis venu chez vous, je n'ai pas cherché à connaître autre chose, si ce n'est Jésus crucifié. Parlons de Jésus. Élevons Jésus. Jésus n'a pas la dette de quelqu'un. Jésus n'aura jamais ta dette. Jésus ne te mentira pas, il est en train de jurer par lui-même. Il dit, je ne suis pas un fils de l'homme pour mentir, je ne suis pas un homme pour me contredire. S'il y a une contradiction, c'est possible que ce soit un homme qui t'a parlé. Un serviteur peut se tromper. Il y a des gens que nous aimons tellement et tu as besoin que Dieu dise que c'est moi ne passera pas, que tu n'as pas encore vu la gloire de Dieu. Et il arrive que nous le disons par autorité des serviteurs de Dieu. Alors que Dieu n'a pas encore parlé. Mais quand il parle, il accomplit. Attache-toi à Dieu. Ne t'attache pas à l'église. Attache-toi à Dieu. Et quand tu t'attaches à Dieu, tu es une bénédiction dans l'église. Le pasteur ne fera plus la police. Il aura des hommes et des femmes qui ont une alliance avec Dieu. Quand il déclare des choses, tu vas saisir le message et tu vas dire, c'est Dieu qui m'a parlé. Tu n'auras pas le temps de dire, oh non, c'est un faux prophète, ce qu'il a dit ne s'est pas accompli. Ça n'a rien à voir avec lui. C'est avec Dieu. Va devant Dieu. Va saisir Dieu comme Jacob. Dis, je ne te laisserai pas si tu n'as pas encore accompli. Mais si celui que tu vas aller saisir, c'est le prophète qui t'a parlé, tu vas perdre beaucoup de temps. Et Dieu te parlera jusqu'à ce que tu relâches sa robe. Et tu comprennes que j'ai affaire à la robe de Dieu et non pas la robe des serviteurs. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas de salut à un autre nom. À Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Car nous n'avons pas reçu un autre nom par lequel nous pouvons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Oh, ce n'est pas Mahomet qui sauve. Ce n'est pas Bouddha qui sauve. Ce n'est pas le pape qui sauve. Ce n'est pas le nom du grand bishop qui sauve. C'est le nom de Jésus. Élevons Jésus. Les démons ne connaissent pas un autre nom. Même le nom de Paul, notre apôtre, l'apôtre des païens, son nom ne peut pas chasser même la rime. C'est le nom de Jésus. Parlons de Jésus. Chantons Jésus. Croyons à Jésus. Les hommes passeront. Le jour où je mourrai, il y aura des gens qui seront déçus. Seigneur, pourquoi tu acceptes que ton serviteur meure? Mais Jésus ne meurt pas. Si tu crois à Jésus, tu as la vie. Il est le chemin, le seul qui mène à Dieu. Beaucoup de gens sont découragés aujourd'hui. Oh non, notre église, vous n'avez pas une alliance avec l'église, vous avez une alliance avec Dieu. Oh non, dans notre église, quelqu'un est venu à moitié nu. Qui t'a dit qu'à l'église, on vient bien habillé? Donne-moi le verset. Oh non, mais si n'y a que le canissa, badada bana vala mubaye. Oui, enjo kichwa kuna vala mubaye. C'est problème, il y a match. Je ne défends pas ceux qui s'habillent mal, mais je dis que tu as un problème de conscience. Ça ou comme on dit, une magie peut-être qu'on a. C'est ça ton problème? Vous pensez que tout le monde est en train de voir la différence entre les hommes et les femmes, c'est quoi? C'est que je peux être à côté de celui qui est à côté de moi, je ne remarque pas la griffe. Mais où ça joue à boubou, où ça joue à style, où ça joue à comme il est miel, c'est pas cabello ou quoi, où ça joue à nabéi, c'est toi. Le problème, c'est quoi? C'est ta façon d'être formanté. Ce que tu vois à l'église dépend de ce que tu es. Alléluia. Alléluia. Suis Jésus. S'il y a des débats, des diffusions, c'est parce que les gens n'ont jamais suivi Jésus. Tu peux trouver Jésus sans rendez-vous. Tout dépend de ta tête. Même ce que Pierre ne sait pas, toi, tu peux le savoir dans ta perception. Tu vois la guérison dans la robe de Jésus alors que Pierre ne le connaît pas. Tu saisis ça et c'est fini. Alors, quand l'agneau se présente, comment tu te comportes? J'étais en train de dire que d'une manière simple, quand je dis que Jean se tourne, il a une consolation, il a une assurance, et subitement, l'assurance qu'il a dépend de ce que Dieu lui a dit. Dieu lui a dit que le lion a vaincu. C'est le lion qui va ouvrir le livre. C'est le lion qui va résoudre son problème. C'est le lion qui va solutionner ses larmes. C'est le lion qui est la réponse. Mais quand il se tourne maintenant pour arrêter de pleurer et entrer en communion avec le lion, c'est l'agneau. Dans le plan évangélique, je suis en train de dire qu'il y a une méthode simple de Dieu qui nous échappe. Simple. C'est la méthode de l'agneau. Ça commence depuis la Genèse de la Bible. Dieu s'est toujours révélé dans des voies simples. Et il nous a toujours échappé. Je vais dire deux choses importantes. La première chose, c'est que cette méthode de l'agneau confond même le diable. C'est pourquoi c'est une force de Dieu. Dieu a caché sa force dans la faiblesse. L'apôtre Paul l'exprime autrement, il dit ceci. Il dit, Dieu il a jugé bon de confondre le monde par les choses folles. Dieu a choisi des choses viles pour confondre les choses puissantes. C'est ce qui est en train de troubler l'humanité. C'est ce qui est en train de troubler et les serviteurs et les chrétiens. Bien-aimés, vous n'êtes pas obligés de chercher à voir Dieu dans le palais. Il s'appelle roi, mais il n'habite pas souvent dans le palais. Le Dieu que tu es venu chercher ce matin, il te parle avec la voix du lion, mais il se présente sous la peau de l'agneau. Si tu n'as pas développé le cœur de l'humilité et du discernement, tu vas faire passer Dieu. Dieu a choisi la stratégie de l'agneau pour confondre le diable lui-même. Quand les mages sont venus, ils ont vu une étoile et l'étoile les a annoncé la naissance d'un roi. Les défis des mages, ce que les mages savent, que le roi ne peut pas naître loin d'une famille royale. S'il faut chercher un bébé roi, il faut aller dans la maison des rois qui règnent. C'était la loi. C'était le principe. Et ils sont venus. Quand ils ont vu l'étoile, ils ont allé dans la maison de Hérode. C'est là qu'ils ont toqué. Et c'est ça le cas de plusieurs d'entre nous. Dieu t'a annoncé par une étoile. Il dit, il y a un roi qui vient de naître, le roi de ta vie. Il y a un mariage glorieux. Il y a un travail glorieux. Et toi, tu penses que ce travail va commencer à USAID, à UNICEF, les grands noms. Parce que la vision que tu as eue, c'est un grand nom. Mais ça partira d'une ONG locale, malheureusement. C'est là que tu auras la connexion. Le Dieu de processus. Il te parle de la fin, il ne te parle pas des étapes. Les mages ont marché pas à pas. Ils ont toqué à la porte d'Hérode. Vous savez à quoi ils se sont exposés? Le jour du retour, ils ont été obligés de sortir comme des voleurs. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris cette stratégie et cette méthode de Dieu. Ils sont allés chercher le roi dans le palais royal. Et Hérode a demandé aux gens, on a consulté les livres. Ils l'ont cherché dans la ville principale. Et la Bible pouvait dire, « Oh, toi, Bethléem, tu n'es pas la moindre d'entre les villes de Jérusalem. Tu es petit à taille. Tu n'es pas une ville politique. Tu n'es pas une grande ville. Mais le roi naîtra de toi. » Et la marche de mon roi, c'était une marche prophétique. Pourquoi il devait naître à Bethléem? Parce que Bethléem signifie « Beth », signifie « maison Lehem ». C'est la maison de pain et la maison de pain. Nyumba ya amani na nyumba ya mukate. Et lui qui va dire plus tard, je suis le pain descendu du ciel. Il devait d'abord descendre dans la ville de la paix. Là où le pain est travaillé. Pour dire qu'il est le pain, il devait naître là où on fait le pain. C'est pourquoi il doit naître à Bethléem. Et on dit, Bethléem, tu es une ville moindre. Mais c'est toi l'agneau. Quand on attend que le roi naisse à Jérusalem, Dieu vient cacher le roi à Bethléem, une petite ville. Dieu m'a dit à mon peuple, ma gloire n'a pas besoin d'un nom. Ma gloire n'a pas besoin d'une bonne localisation. Ma gloire n'a pas besoin d'une bonne adresse. Dieu peut te récupérer à Kibwe et il te repositionne. Et je prie que l'onction du repositionnement te rattrape dans le nom de Jésus. Jésus a refusé au cours de sa vie. Il a dit, je ne peux pas mourir en dehors de Jérusalem. Alors qu'il était menacé par Hérode, il dit, allez dire à Hérode, allez dire à ses renards que moi, j'ai encore 3 jours de service. Il ne peut pas me tuer car un prophète ne peut pas mourir en dehors de Jérusalem. Je suis né à Bethléem. Je suis né dans un milieu ridicule, mais je vais mourir dans la ville du roi. Tu mourras dans de bonnes conditions. Tu finiras par un bon témoignage. Quand David dit, j'ai été jeune, je vieillis, je n'ai pas vu un juste abandonné, ni sa progéniture mendier son pain. Ça, c'est un homme qui est au sommet. Ça, c'est un homme qui est à la fin de son témoignage. Mais allez les 10 ans avant, où son propre fils est en train de coucher avec ses femmes, peut-il dire qu'un juste n'est pas abandonné? Reculer un peu, là où il a eu l'onction et il est en train d'être pourchassé, il est en train d'aller de ville à ville en train de craindre, jusqu'à être même dans les rangs de l'ennemi. Les Philistins, il a été soldat parmi les soldats philistins. Si tu lui poses la question, David, est-ce que Dieu, il est juste? Est-ce qu'il peut dire ce témoignage? Mais il dit, il y a une vallée et il y a le moment où Dieu me place sur la table. Il dit, j'ai été jeune, j'ai parcouru des situations, j'ai connu des réalités. Je peux résumer ma vie en une chose, ce que le juste n'est pas abandonné. Même quand il est dans la vallée de l'ombre et de la mort, il y a quelque chose qu'on ne voit pas. Il y a un bâton et une houlette qui est avec lui. Le monde ne le voit pas, mais dans la vallée de l'ombre de la mort, la houlette, le bâton le rassure. Tu es dans une vallée, ça n'annule pas la promesse de Dieu. Tu es dans une période où personne ne parle de toi, ça n'annule pas la promesse de Dieu. Dieu te dit ce matin, même si la promesse tarde, attends-la, car la promesse va vers son terme. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Attends, bien-aimé dans le Seigneur. Attends, car ça s'accomplira. La réalité, c'est que Dieu est en train d'utiliser la méthode de l'agneau. Mais il est le lion. Il a caché Jésus dans les tables. Quand ils sont arrivés, j'aime, quand les mages sont arrivés devant la maison de Hérode, on les a dit, il n'est pas ici. Et ils ont encore recherché Dieu. La Bible dit quand ils sont sortis de la maison de Hérode, l'étoile a réapparu. Et ils ont commencé à suivre l'étoile jusqu'à l'étable. Est-ce que le roi doit naître dans une étable? Oui. Parce que c'est un agneau, il doit être à côté de ses collègues. Il doit être à côté de ses collègues, chèvres, poules, je ne sais pas moi. C'est là qu'il doit être. Mais vous, vous l'attendez dans le palais. Soyez des maris. J'ai dit à quelqu'un, soyez des maris. Croyez que Dieu peut faire des choses à cause de vous. J'ai dit expressément à quelqu'un, c'est à cause de toi que ça va arriver. C'est à cause de toi que ça va arriver. Quand tu comprends la méthode de Dieu, tu vas toi-même être un agneau. Parfois tu vas t'effacer pour bien vivre. Parfois tu vas te faire disparaître pour apparaître. Jésus a annulé son identité de Dieu pour être vraiment Dieu. Le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom devant qui tout genou fléchit, n'était pas dans les palais royaux, n'était pas dans les universités. Le nom qui est au-dessus de tout nom, n'était pas dans les meilleures écoles. Le nom qui est au-dessus de tout nom, était dans la tombe, dans l'humiliation. Et la Bible dit, ayez le sentiment qui était en Jésus. Lui qui était Dieu, il s'est humilié lui-même. Il s'est rabaissé, devenant semblable à un homme. Et il a accepté la mort et la mort de la croix. Il est mort. Et la Bible ajoute quoi? C'est pourquoi il a reçu le nom qui est au-dessus de tout le nom. Tout genou fléchi dans les ciels, sur la terre et sous la terre. Toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui acclame ce Dieu? Il a reçu le nom. Le nom là n'était pas dans de grandes écoles. C'était dans l'agneau. La Bible dit qu'il s'est levé comme une faible plante. Ésaïe 53. Il s'est levé comme une faible plante. Il n'avait rien pour attirer nos regards. Rien de glorieux. Cependant, c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. La guérison n'était pas dans le temple. La guérison n'était pas dans la vie des géants. La guérison était dans les blessures de l'agneau. C'est la stratégie de Dieu. Sois Marie. Marie n'avait pas la promesse de la grandeur. Mais Marie devait simplement dire qu'il me soit fait selon ta parole. Je suis tenté de dire à quelqu'un, c'est par toi que ces choses vont arriver. Joseph va être appelé père de Jésus parce que toi, tu as accepté. La promesse est pour Joseph, mais toi, tu as la sémence. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais quand Jésus vient à Pau d'agneau? Il dit à Josaphat. Josaphat était en train de pleurer comme Jean. Il dit, Seigneur, nous mourons. Nous sommes devant les ennemis. Sauvez-nous. Dieu dit, je viendrai vous sauver. Je crois, il croit qu'il va élever des grands soldats, des grands combattants. Dieu dit, non, mettez la chorale devant. Mettez d'agneau. Et les choristes, alléluia. Les guerriers qui ont des biceps, qui ont des chars de combat, ils sont derrière. Muna changé formule na muna gani aba bali banatoka mu maombi abataweza. Mungu anasema mubache mbele. Alléluia. Et quand ils sont en train de chanter, Dieu descend comme le guerrier, l'éternel des armées. Il combat pour Israël. Accepte la stratégie de Dieu. Ta force n'est pas utile. Tes arguments ne sont pas utiles. Il y a des moments où tu dois laisser la bataille à Dieu. Il a dit à Moïse, c'est moi qui combattra pour vous. Gardez le silence. Il y a des moments où ton silence sera plus fort que tes paroles. Ne perds pas ton énergie pour t'expliquer. Quand Dieu a dit tu vas avancer, tu vas avancer. Avec ou sans toi, tu vas avancer. Il y a des moments où Dieu s'élève et il n'a même pas besoin de te consulter. Dieu, il est capable de te défendre sans toi. Dieu est capable d'expliquer ton cas sans toi. Il est le seul qui peut entrer dans le sommeil d'un Assuérus qui a retenu tes droits. Il est capable de lui faire lire toute la nuit afin qu'on se rappelle de toi. Et celui qui va déclarer ta promotion, celui qui va décrire ton trône, c'est celui qui voulait te tuer. Tu seras un Mardoché qui se lève le matin pour entrer dans tes droits. Sois calme. Laisse la bataille à Dieu. Il dit à Israël, vous voyez Jéricho. La Bible dit Jéricho était barricadé. Personne n'entrait, personne ne sortait. Les archéologues disent qu'il y avait 12 mètres de largeur de 7 muraille de Jéricho. Et Jésus dit, Dieu dit, je vais vous donner Jéricho. Comment? Josué, qui est un combattant, il est habitué à la guerre, il aurait voulu que Dieu lui révèle une arme qui peut faire sauter les 12 mètres. Mais Dieu dit, c'est le silence que vous allez appliquer. Entourez la muraille pendant 7 jours en silence. Suis-je en train de dire à quelqu'un, tais-toi? Suis-je en train de dire à quelqu'un, dépose les armes? Dieu est-il en train de dire à quelqu'un, ne te bats plus? Dieu est-il en train de dire à un ami, à un bien-aimé du Seigneur, il dit, dépose les armes et tu verras combien moi-même je vais les prendre. Dépose les armes, moi-même je les prendrai à ta place. Ils se sont tournés, ils ont tourné la muraille. Et au septième jour, à la septième fois, ils ont simplement crié, ils ont vu le pierre céder. Même ceux qui étaient à l'intérieur n'avaient plus la force de résister parce que le mur s'est tombé de partout et à même moment. Quelle arme? L'arme de l'agneau permet, avance vers le diable comme un agneau. Quand David est venu, vous savez, Saül voulait refuser que David vienne comme un agneau. Il dit, porte mes habits, porte mon armure. Et quand il porte l'armure, on va voir un roi. Dieu lui dit, non, toi tu es un agneau, reste un agneau. Et quand il est venu comme un agneau devant Goliath, Goliath n'a plus fait attention. Il dit, mais c'est toi, j'attends un guerrier puissant. J'attends un géant avec qui est de ma taille, même poids. Catégorie, même catégorie à boxe. Mais toi tu n'es pas de ma catégorie. Dis, moi je suis de ta catégorie. Je m'appelle agneau, mais je suis lion. Et le temps qu'il est en train de discuter, le type est en train de bas. Même avant que l'arbitre dise, allez commencer la bataille. L'homme est déjà par terre, il vient ramasser sa tête. Ce qui fait que nous avons échoué, c'est que nous avons utilisé beaucoup les lions. Batanisikia. Anawazaka matukusomaka. Acha masomo. Personne ne va vaincre dans la foi parce qu'il a beaucoup étudié. Dieu a pris les gens disqualifiés pour les qualifier. Il est le Dieu qui prend les nuls et qui leur donne la qualification. La Bible dit, il va dans la poubelle. Il prend du fumier l'indigent. Il le prend, il le fait asseoir avec les grands. Ça n'a rien à voir avec ma beauté. Non. L'onction n'a rien à voir avec mes habits, n'a rien à voir avec ma voiture. Sors de cette bataille-là. Au lieu de préparer ta dot, oh non, tu connais sortir na rafiangu, tu nenda kuyousi. Ou kona danganyika, ni bushenzi, ni kukosa akili. Munenda kula bana kuletea facture na stuka, si kreye ko $5. How you? Oh non, il faut qu'elle sache que je suis fort. On n'a pas besoin de pouper les biceps. Va vers les choses utiles. Soyez nanyo. Mulete kalanga na mai. Lete aye kalanga. Pati aye mai. Siku atafika kwako anakuta kitanda ya butamu. Anasema, ah. Sete nanyo mesahelio. Vous voulez être nanyo avant ou après? Vous voulez être un lion avant ou après? J'aimerais finir comme un lion. J'aimerais rugir comme un lion. Mais à la fin de ma course, j'aimerais finir comme mon maître. Quand on m'a humilié, et à la fin, on découvre que c'était le lion. L'agneau qu'on a méprisé, c'était le vrai lion. Que cela s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Que cela t'accompagne dans le nom de Jésus. Finis comme un lion. Fini comme une lionne, fini en rugissant. Ouh! Laissez-moi terminer en disant ceci. Accepte que l'agneau ouvre les lions, les livres de ta destinée. Accepte. Regarde attentivement ces lions-là. C'est cet agneau-là. On a ajouté trois choses importantes. On a dit que c'était un agneau comme immolé. Alors que les gens voient dans l'immolement de l'agneau, on voit la faiblesse. Mais toi, va en Apocalypse 12, 11. Là où, quand on est immolé, on relâche les sangs. Il n'y a que l'agneau qui est immolé, qui est digne de ta louange, qui peut faire face. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause des diplômes d'État, à cause des licences. Il l'a vaincu à cause de la gloire. Il l'a vaincu à cause du sang de l'agneau. Quand je vois le sang, je vois la victoire. Quand je vois le sang, je vois le pardon. La Bible dit, il n'y a pas de pardon de péché sans l'effusion de sang. Merci agneau de Dieu. Je n'ai pas besoin de lion qui ne relâche pas le sang. Parce que je suis pécheur. J'ai besoin d'être pardonné. Ah, l'agneau, tu es immolé. Je peux encore recueillir un peu de sang. Et je peux avoir la victoire. Il dit, l'agneau avait sept cornes. Le corne, c'est le symbole de la puissance. Alléluia. L'agneau qui va venir au rendez-vous du lion, c'est un agneau qui est puissant. Laisse-moi te dire que Dieu est puissant. Laisse-moi te dire que la méthode de Dieu est puissante. Si Dieu te dit tais-toi, c'est plus puissant que les paroles. Si Dieu te dit va à Idui, c'est plus puissant que les paroles. Si Dieu te dit fais les kalanga, combien des arsois ils sont en train d'attendre. Quand ils voient les voitures là-bas, ils croient que c'est pour tout le monde. Achana, ça a où il est ma voiture, kuya omba mou. Au lieu d'acheter quelque chose qui peut aider ta famille, on a mis voiture, on a kukanisa, on a mis ta kwa nenda mmigoul. N'a qu'on a combien de villes? Pourquoi on a compétition na nani? Pourquoi on a compétition na nani? Et vous achetez une voiture, vous n'avez ni garage, ni quoi. Qu'est-ce qui vous arrive? Bon, si vous vous énervez, c'est fini. Moi, je vais partir. Je vous dis la vérité. Soyons des agneaux. Acceptons que Dieu nous amène là où il veut. La méthode de Dieu ne jouera pas dans ta vie. Si Dieu te nous prie, prière est fragile, mais il y a des cornes dans la prière. Au lieu de parler à longueur de journée, au lieu d'organiser des familles, des réunions de familles, prie. Et les gens diront qu'on a honte à jouer à la Chine. Quand on va voir les cornes sortir de la prière, on reconnaîtra que tu es le vrai Dieu. Troisième chose, l'agneau là, il a 7 yeux. C'est-à-dire il a toute la connaissance. Il voit tout. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu connaît tout. Dieu connaît tout ce que tu traverses. Il a 7 yeux. Ce n'est pas un agneau simple. C'est un agneau qui a la blessure de la victoire. C'est un agneau qui a les cornes de la puissance. C'est un agneau qui contrôle la situation. Lève-toi là où tu es, je vais prier pour toi.